L'environnement urbain serait-il un facteur d'accélération évolutive? Des premières études sur les modifications génomiques de la flore et de la faune des villes tendent à montrer que les mutations génétiques s'emballent. La recherche sur la santé fœtale in utero est un secteur complexe et pourtant, des études tendent à prouver que certains médicaments peuvent pallier des problèmes de développement cérébral. Et enfin, notre défi de la semaine, tout comprendre en moins de 12 minutes sur l'influence de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des champs de la recherche scientifique. Urbanisation et évolution, médecine in utero et IA au service de la recherche, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons développer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et au sommet de l'évolution de la vulgarisation scientifique urbaine, il est autour de cette table diverses espèces appartenant à des taxons bien précis de la presse et du web scientifique. Bonjour Caroline Tourbe. Bonjour. Vous êtes responsable des pages santé-médecine de notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie. Bonjour Léo Grasset. Bonjour. Qui nous expliquera comment l'ère de Thaïlande a fait évoluer son génome et qui, non content d'être l'auteur de la chaîne YouTube Dirty Biology, vient de publier aux éditions Delcourt la grande aventure du sexe illustrée par son frère, car contrairement au Parlement français, on ne travaille jamais aussi bien qu'en famille. Et notre Indiana Jones, l'explorateur des sciences qui ne recule devant aucun défi, c'est Sylvain Guilbeault. Bonjour. Bonjour à tous. De la recherche qui s'est fixé un nouveau défi d'envergure aujourd'hui, vous verrez. Ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Mais avant cela, comme chaque vendredi, tel le darwinisme de la vulgarisation scientifique, elle ne sélectionne que chaque semaine que l'information la plus évoluée. C'est Zoé Sfez pour le Journal des sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des sciences. Premier sujet cette semaine avec cette étude publiée dans Nature Chemistry. Des chercheurs affirment avoir trouvé une sorte de graal de la science, un composé chimique qui serait le chaînon manquant entre la chimie et la biologie. Il serait donc à l'origine de l'émergence de la vie sur Terre, Zoé. Et oui, c'est le grand rêve des chercheurs en chimie prébiotique, résoudre ce fameux mystère. Comment se sont formées les macromolécules de la biologie moderne qui sont capables d'exercer les fonctions du vivant à partir des trois substrats élémentaires qui étaient présents sur la Terre primitive, à savoir les acides aminés qui constituent les protéines, les nucléotides qui sont les briques élémentaires de l'ADN et de l'ARN, et les premiers petits lipides qui constituent les membranes de toutes les cellules qu'on connaît aujourd'hui. Et l'équipe de chimistes de l'Institut de recherche Scripps en Californie explique dans cet article, donc paru cette semaine, avoir trouvé ce fameux lien manquant. Il s'agit, selon eux, du diamidophosphate, dit DAP, qui aurait joué le rôle de catalyseur dans la création des premières formes de vie en effectuant un procédé de phosphorylation sur tous les substrats qu'il touche, explique la Française Clémentine Gibard. C'est une des co-auteurs de cet article. La phosphorylation dans la chimie prébiotique, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, on retrouve des phosphates dans beaucoup de biomolécules aujourd'hui. Et par exemple, si on prend l'ARN, donc est composé d'un nucléoside, donc c'est juste le sucre et la base aminée. Et ensuite, il y a un lien phosphate avec un autre de ces nucléosides. Et l'introduction de ce lien phosphate est assez compliquée parce qu'on le met dans l'eau en présence de métaux divalents comme le magnésium ou le zinc, et ben ils précipitent. Du coup, c'est super compliqué d'arriver à les faire réagir avec le nucléoside. Donc nous, pourquoi c'est innovant? Parce que notre composé, quand il est dans l'eau, il précipite pas. Il va rester en solution et du coup, il va être disponible pour réagir avec nos substrats. Donc ensuite, on arrive à attacher les nucléosides ensemble pour former des courts oligonucléotides. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, ça, c'est ce qui va former la double hélice d'ARN plus tard. Ensuite, notre réactif, on a trouvé aussi qu'il peut réagir avec les acides aminés. Et on arrive à former des peptides. C'est génial parce que c'est une autre classe de molécules qui sont très très importantes dans la vie actuelle. Et notre dernière découverte, elle a été que si on met en présence des acides gras avec du glycérol et notre réactif, et on arrive à créer des vésicules et des micelles. Et c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le début de la vie a besoin de ces, ce qu'on appelle protocelles, parce que c'est les ancêtres des cellules. Donc en fait, c'est la première fois qu'avec un seul réactif et des conditions uniques, on peut réussir à toucher trois grands types de molécules qui sont retrouvées dans tous les organismes vivants. Alors, il s'agit bien sûr que d'une hypothèse, hein, Zoé, plusieurs inconnus subsistent, mais c'est un scénario très séduisant pour la communauté scientifique. Oui, elle vient de le dire, Clémentine Gibard, cet agent-là, il interagit dans les trois domaines essentiels du vivant, dans les conditions compatibles avec celles de la Terre primitive. Et c'est une première, il faut le dire, depuis la naissance en 53 de la chimie prébiotique expérimentale, qui connaît de très belles avancées depuis 2-3 ans. C'est en tout cas l'enthousiasme chez Marie-Christine Morel, professeure de biologie et de moléculaire à l'université Pierre et Marie Curie, ainsi qu'au Muséum d'Histoire Naturelle. Cet article est absolument remarquable. Il y a eu énormément de travaux, mais ce n'était jamais satisfaisant parce que soit ce que l'on obtenait, c'était un bouillon infâme de molécules dans lesquelles il y avait des choses intéressantes, mais on ne voyait pas comment la sélection naturelle avait pu opérer dans ces conditions, ou bien on utilisait des artefacts artificiels qui n'existait pas sur la Terre primitive. Et là, donc, pour la première fois, il a montré qu'avec un composé simple, un dérivé du triméthaphosphate, qui est plausible dans des conditions prébiotiques, ça j'insiste vraiment là-dessus, qu'on peut faire des macromolécules, des molécules plus grosses, et dans les trois domaines essentiels du vivant. Donc il y a d'autres questions qui se posent, évidemment. C'est entre autres, comment obtient-on ce triméthaphosphate? Le phosphate sur la Terre primitive n'existait pas. Et donc il y a des sources de phosphate possibles à partir des météorites. Et l'idée à explorer, hein, c'est que la corrosion, si vous voulez, hydrothermale, aurait conduit à un composé que l'on appelle la phosphite. À partir de ce phosphite, on peut obtenir du phosphate. Et donc là, on a un chaînon qu'il faudrait montrer comme plausible. Et à ce moment-là, on aurait vraiment un scénario presque complet de la formation des premières molécules fonctionnelles sur la Terre primitive. En bref, un article suggère que la fusion des quarks serait encore plus puissante que la fusion nucléaire, Zoé. Oui, des récentes études avaient déjà démontré l'existence de particules élémentaires pouvant être constituées de plus de 3 quarks, les tétraquarks ou encore les baryons. Et une étude parue donc cette semaine tente d'analyser les conditions de leur formation. Elle émet l'hypothèse que ces justement particules doivent se former lors de collusions d'autres particules élémentaires instables, fusion qui dégagerait plus, bien plus d'énergie que la fusion nucléaire, celle de d'hydrogène, mais qui serait impossible pour le moment à reproduire en raison de la grande instabilité de ces quarks. Des chercheurs américains ont mis au point un test respiratoire simple pour le paludisme. Et oui, d'après une enquête de terrain, ils concluent que le souffle de jeunes malades du paludisme contient une haute concentration de terpènes, une classe d'hydrocarbures produite aussi par les plantes, susceptible d'attirer les moustiques, et très facilement détectable grâce à un dispositif à Beaupréier, dispositif qui permettrait donc de détecter la maladie à un stade beaucoup plus précoce que les tests sanguins. Le stérilet réduit de 30% le risque de développer un cancer de l'utérus. C'est en tout cas ce qu'indique une étude paru lundi. Les chercheurs de l'université de Washington ont travaillé sur les profils de 12 000 femmes dans le monde entier. Et celles qui portent un stérilet présentent un risque de développer un cancer du col de l'utérus qui réduit d'un tiers par rapport à celles qui ne recourent pas à ce contraceptif. La pose du stérilet, ou plutôt un dispositif intra-utérin à l'intérieur de l'utérus, donc entraînerait une réaction du système immunitaire et qui aiderait à lutter plus efficacement contre le papillomavirus. Et le deuxième sujet de cette semaine, Zoé, c'est une nouvelle étude de l'INSERM qui nous éclaire un peu plus sur notre microbiote intestinal. Et oui, elle concerne le syndrome de l'intestin irritable, qui est une maladie chronique caractérisée par des douleurs abdominales qui sont souvent associées à des troubles du transit, pathologie hautement invalidante et pour lesquelles il n'existe pas de traitement efficace, en tout cas aujourd'hui. Et la bactérie Escherichia coli, probiotique découverte pendant la Première Guerre mondiale, a été utilisée récemment par voie orale comme traitement thérapeutique alternatif avec de bons résultats. Mais on ne comprenait pas véritablement les bases moléculaires de ces propriétés thérapeutiques. Une équipe de chercheurs du CHU de Toulouse a enfin réussi à démontrer que Escherichia coli produisait 3 types de lipopeptides, dont l'un s'est révélé capable de passer la fameuse barrière intestinale et donc d'agir sur les neurones et la douleur, explique Nicolas Sénac, c'est le co-auteur de cette étude. L'acide aminobutyrique existe en sous 3 formes. On a synthétisé ces 3 lipopeptides différents, alpha, bêta ou gamma. Et donc après, on a étudié les fonctions biologiques de ces différents lipopeptides. En fait, on utilise des cultures primaires de neurones sensitifs de souris. On les active et on regarde ce que nos molécules font sur ces neurones-là, s'ils arrivent à diminuer leur activation. Pour les lipopeptides liés à l'acide aminobutyrique alpha ou bêta, on n'a pas vu d'effet sur l'activation des neurones. En revanche, le lipopeptide, l'acide aminobutyrique gamma, contenant du GABA, lui était capable d'inhiber les neurones. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Le GABA, c'est le neuromédiateur principal inhibiteur du système nerveux central. Mais nous, ce qu'on montre par rapport à du GABA tout seul, c'est que la bactérie, en rajoutant cet acide gras, permet au GABA de traverser la barrière intestinale. Parce que là, on est sur une pathologie où il n'y a pas de translocation bactérienne. Donc pour qu'un produit bactérien arrive jusqu'au neurone, il faut qu'il traverse le mucus, les cellules épithéliales pour arriver jusqu'au neurone. Donc chez le patient, notre hypothèse, c'est que cette molécule serait capable de traverser la barrière intestinale et d'agir directement sur les neurones sensitifs des patients qui sont suractivés dans cette pathologie. En bref, on a découvert dans le sud de l'Angleterre des dents qui seraient celles des plus anciennes ancêtres connus des mammifères modernes. Ces dents, elles sont d'un type très avancé qui peut percer, trancher, écraser la nourriture et elles appartiendraient donc à un animal qui ressemblerait vaguement à un rat et qui vivait il y a 145 millions d'années. Il serait de la famille des mammifères dont descendent la plupart des mammifères modernes, de la baleine bleue à la musaraigne pygmée et bien sûr en passant par l'homme. Voilà, et je vous renvoie sur notre fil Twitter à l'émission que nous avions consacrée justement à ce triomphe des mammifères dans l'histoire de l'évolution. On va reparler d'évolution dans quelques instants. En ville, vous allez voir que c'est pas tout à fait le même genre de scénario. Les mammifères qui en tout cas eux seraient devenus diurnes, eh bien une fois que les dinosaures ont débarrassé le plancher. Oui, les premiers mammifères étaient des créatures nocturnes et n'ont commencé à s'aventurer hors de la pénombre qu'après la disparition des dinosaures. C'est en tout cas ce qu'indiquent des chercheurs israéliens, d'où le faible nombre d'ailleurs de mammifères dont les yeux et les oreilles sont aujourd'hui adaptés à une activité diurne. Seuls les primates, et donc l'homme aussi, auraient réussi à s'adapter en développant notamment des maculas, cette fameuse petite tache jaune située à l'arrière de l'œil qui permet de distinguer les couleurs. Et la rubrique que vous attendez tous chaque semaine, celle des sciences improbables et qui, cette semaine, va nous préparer au pire, à ce qui arrive. Une étude vient de confirmer quelque chose dont tout le monde se doutait à peu près, quoique les chants de Noël sont dangereux pour la santé mentale. Mais oui, elles sont arrivées en même temps que ces fameuses échos de Noël. Le 1er novembre exactement, elles ont envahi les supermarchés. Et bientôt, nous serons littéralement pris d'assaut par les chansons de Noël, que vous soyez ou non mélomane. Vous le sentez, vous en aviez l'intuition, elles vous angoissent. Et bien, c'est normal, indique cette étude menée par des psychologues britanniques. Les chants de Noël aurait un impact négatif sur la santé mentale, notamment des employés de grands magasins qui, les pauvres, doivent les subir à peu près toute la journée, en tout cas plusieurs heures dans la journée. Ce type de chanson, les sons qui y sont associés, les messages qu'elle délivre, demandent à ses employés une plus grande concentration pour en faire abstraction et pouvoir travailler. Pire, si les premières minutes d'exposition au chant de Noël vous procurent de la joie, et bien très vite elles entraînent une baisse de morale drastique, j'ai envie de dire, on le savait. Noël dernier, je vous ai donné mon cœur pourtant, Zoé. Vous viendrez le récupérer la semaine prochaine, il est en miettes. Votre chant de Noël préféré, Caroline Tour, vous vous doutiez que ça faisait du mal à notre santé mentale? Non, mais je sais pas, non. Moi, ça, j'ai pas l'impression que ça me fasse du mal, donc je suis très étonnée par le résultat de cette étude. Ou alors, j'aurais dû postuler pour vendre des peluches au rayon des grandes surfaces pendant Noël. Ou simplement, il faut consulter. Ou faut consulter. Parfois, ça apporte des solutions. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez réagir dans ce journal des sciences? Peut-être pour commencer, un mot sur ce passage de la chimie à la biologie, qui est vraiment un graal de la biologie depuis très très longtemps. On commence à avoir des pistes. Léo Grasset, ça vous a convaincu ce que vous avez entendu? Convaincu, je suis pas sûr que j'ai les compétences en chimie prébiotique pour dire oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais en tout cas c'est clairement très très intéressant. Ouais. En fait c'est vraiment une question qui reste depuis longtemps, ce passage de l'inanimé à l'animé, et à laquelle j'ai jamais vu, comment dire, une sorte de réponse intuitive satisfaisante. Ça serait vraiment serait chouette que dans les prochaines années on ait quelque chose de palpable. On va essayer, on reviendra certainement sur ces études qui ont l'air de tenir quand même pas mal de promesses. Autre chose sur ce qui a été traité, Caroline? Oui, l'utilisation du stérilet, hein, du dispositif intra-utérin dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Je trouve ça extrêmement intéressant, assez contre-intuitif, parce que on a plutôt l'impression que c'est une histoire qui commence très tôt et puis que c'est sur les très jeunes filles que le papillomavirus va s'installer, poser des problèmes de lésions possiblement qui pourront dériver vers un cancer du col de l'utérus. Donc c'est étonnant, c'est un moyen peut-être pas de lutte mais en tout cas de prévention qui est intéressant. Et comme on sait que le vaccin contre les papillomavirus, qui sont donc responsables de certaines formes de cancer du col de l'utérus, bah, il n'est pas très adopté ou pour l'instant pas très répandu, c'est peut-être une autre pistes intéressantes. L'OMS s'est déclaré très intéressé par cette étude et va donc mener des études avec plus larges échantillons. Et effectivement, c'est assez contre-intuitif parce que pendant assez longtemps, ça faisait partie des mises en garde sur le stérilet. On disait au contraire que ça pouvait justement provoquer des lésions plus importantes. Sylvain, sur un autre sujet ou sur celui-là, sur la fusion des quarks. Alors, je pense pas qu'en effet on va tout de suite réussir à maîtriser cette fusion pour produire de l'énergie, puisque déjà la fusion de l'hydrogène, on a beaucoup de problèmes à la reproduire en laboratoire. Néanmoins, c'est des études fondamentales intéressantes, puisque donc si j'ai bien compris, ce mécanisme pourrait commencer à expliquer comment on pouvait avoir des édifices avec plus de trois quarks, des tétraquarks, des pentaquarks qu'on a observés récemment au LHC au CERN. Mais fondamentalement, ce genre de recherche sert à deux choses. D'une part, éventuellement, voir si justement ces expériences collent avec les prédictions théoriques du modèle standard. Et justement, si elles ne collent pas, ça ouvrirait enfin la brèche qu'on attend pour aller au-delà de ce modèle. Et deuxièmement, c'est les quarks, c'est les constituants élémentaires des protons, des neutrons qui composent toute la matière qui nous entoure. Et pour l'instant, c'est quand même une grande question qui reste, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir des propriétés de ces quarks élémentaires, on obtient les propriétés des protons. En fait, c'est un passage d'échelle qui est encore très mal compris, et peut-être que ce genre d'études aide à comprendre. Il faut bien préciser que pour le moment, on n'est pas du tout capable, même au LHC, de développer des quantités d'énergie suffisantes pour pouvoir arriver à ce niveau-là d'intrication, de désintrication des particules élémentaires. Voilà, absolument. C'est vraiment un champ de recherche qui est en ébullition. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Si les villes ne couvrent que 3% de la surface continentale de notre planète, elles abritent à l'heure actuelle plus de 55% de la population humaine, et ce chiffre est en constante augmentation. La faune et la flore sont donc bien obligées de s'adapter, et rapidement, à ces nouveaux environnements urbains qui modifient radicalement les écosystèmes préexistants, certes, mais de récentes études, et c'est vraiment des études toutes récentes, Léo Grasset, nous montrent que la ville elle-même serait un facteur d'accélération évolutive assez insoupçonné. Oui, voilà, c'est ça. Donc, dans une étude qui est parue le 3 novembre dans le journal Science, deux chercheurs, dont un canadien et l'autre américain, se sont posé la question. Enfin, ils ont essayé de faire une énorme revue de littérature sur plus de 250 articles scientifiques sur comment les villes affectent l'évolution des organismes qui y vivent, qui squattent dans nos lits, comme les puces de lit, ce genre de choses, ou tout simplement les organismes qui vivent dans les égouts, sur les gratte-ciel, etc. Et en fait, ce qu'ils ont constaté en regardant toute cette littérature, c'est que quand même si les villes sont très différentes en fonction des continents, et puis dans leur structure et dans leur densité de population, etc., on retrouve quand même des patrons qui sont similaires. Notamment, en fait, le fait que les sols des villes soient imperméables change complètement la dynamique pour les plantes qui y vivent, etc. Et en gros, pour synthétiser leurs résultats, il se trouve que les villes sont des habitats où c'est très difficile pour un organisme de disperser. Par exemple, si on est une plante, ben il y a très peu d'endroits où elle va pouvoir mettre des graines qui vont pousser. C'est-à-dire qu'il y a, parce que c'est divisé en parcs, en espaces publics qui sont divisés. Donc pour la faune et pour la flore, du fait des sous-sols et de la ville supérieure, enfin effectivement, ça n'a cessé de diviser les populations et donc de créer des sous-groupes. Voilà, c'est ça. On est dans un habitat très très fragmenté, et c'est en fait les sous-groupes qui sont séparés les uns des autres communiquent plus et ne communiquent plus à un niveau génétique. Du coup, en fait, on observe de l'établissement de toutes petites populations comme ça, qui sont très sensibles à ce qu'on appelle la dérive génétique. En fait, le principe est très simple, c'est-à-dire que quand on est un tout petit groupe, on est plus sujet au hasard. Par exemple, s'il y a un camion qui passe et qui éclate la moitié de la famille de rongeurs, ça c'est du hasard, c'est pas de la sélection ni rien, et ça va complètement changer la trajectoire évolutive de cette population. Donc c'est les villes, avec leur fragmentation, augmentent l'importance de la dérive génétique par rapport à la sélection, par rapport à un habitat qui est naturel, mais elles sont aussi des facteurs de sélection. On a observé de l'évolution adaptative dans pas mal de villes. Par exemple, alors, il y a un exemple assez sympa dans la ville de Tucson, qui est en Arizona. C'est que des oiseaux qui vivent là-bas, en fait, qui normalement dans l'état naturel se nourrissent de petites graines dans le désert, dans cette ville-là, ils sont nourris par les gens avec des petites graines de tournesol. Et donc, il y a eu de la sélection pour augmenter la taille des becs, parce que les graines de tournesol sont plus grosses que dans l'environnement naturel. Donc ça, c'est vraiment de la sélection. On a de l'évolution adaptative, en fait. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein. Le cas particulier des moustiques du métro londonien est très connu et très chouette. En plus, on a de la création de nouvelles espèces. Alors, racontez-nous le cas particulier des moustiques du métro londonien, mais je crois que ça marche aussi à Paris, puisque moi qui suis un piège à moustiques vivant, je vous assure que dès que l'été arrive, je me fais piquer dans le métro parisien par des moustiques qui ne sont pas du tout ceux qui me piquent à la maison. Ah oui, bah, alors l'histoire, ça, c'est de la vraie méthode scientifique dure, vraiment expérimentale, à tester. On est vraiment dans du solide. Alors, je ne sais pas pour ce qui est des autres villes, il me semble effectivement. Qu'il y a, c'est le cas aussi à New York en tout cas. Quand il y a eu la création du métro londonien, construire un métro finalement c'est juste creuser des trous et à un moment il faut reboucher. Et donc le métro pendant la création a hébergé quelques moustiques qui se sont retrouvés bloqués quand ils ont rebouché le métro et qui se sont donc retrouvés éloignés de leurs congénères. Ils ont subi en fait une évolution qui a été séparée. Voilà. Donc ces moustiques qui étaient des tout petits groupes ont évolué très vite et notamment il y a eu... un impact très fort, c'est qu'ils se sont spécialisés sur les humains, parce que c'est la source principale de nourriture sous la surface. Et donc, on a cette nouvelle espèce de Culex pipiens, qui est le nom du moustique, c'est Culex pipiens, je sais plus quoi. Voilà. On va trouver le nom complet, on va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission. Voilà. Et, donc, on a en quelques générations, finalement, c'est le métro londonien, c'est la fin du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, on a en quelques générations la création d'une nouvelle espèce. Quelque part, parce que l'homme a créé un nouvel habitat. Autre chose intéressante, c'est qu'il y a effectivement cette adaptation évolutive. Il faut préciser tout de même quelque chose, Léo, c'est que cette évolution, elle va à une vitesse qui n'est pas du tout une vitesse normale de mutagénèse classique d'évolution darwinienne, quoi. Alors, le mécanisme, en fait, il y a plusieurs mécanismes dans l'évolution, mais il y a vraiment un mécanisme fondamental, c'est le taux de mutation. Donc, le nombre de petites erreurs qui vont apparaître dans l'ADN au fur et à mesure des générations. Et c'est sur ces erreurs que vont ensuite se faire le tri de la sélection. Et en fait, il se trouve que dans les villes, le taux de mutation est plus élevé en moyenne, parce qu'il y a de la pollution atmosphérique, il y a toutes sortes de contaminants qui peuvent augmenter ces taux de mutation. Et notamment, c'est chez les goélands argentés. On a observé que le taux de mutation des goélands argentés dans les villes industrielles était le double de celui dans les campagnes. Donc ces goélands évoluent plus vite, de fait. Et on connaît l'origine de ces mutagènes. C'est la pollution, vous l'avez dit, la pollution atmosphérique. C'est les perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup. On a une preuve, en tout cas indirecte, que ces polluants ont des effets de mutagènes très nets sur des populations qui sont des populations isolées, donc de facto des populations plus sensibles à la sélection naturelle. Oui, c'est ça. Et en fait, le fait est que bon, là, c'est une revue de littérature qui concerne plein d'endroits différents. Enfin, il y a des villes sur les 5 continents, donc, et ça concerne 150 espèces différentes. Donc, il y a plein de cas différents. On pourrait citer, je pense, les PCB, les perturbateurs endocriniens, etc., etc., la pollution, différents gaz. Mais en fait, c'est ce qui a intéressé plus les chercheurs, là, c'est une grosse tendance lourde. Ils voulaient vraiment savoir qu'est-ce qui se passe de façon générale dans toutes les villes. Donc des cas particuliers, on peut en trouver plein. Ouais. Ces recherches, elles viennent d'être compilées, vous venez de le dire, c'est assez récent et pourtant les premières traces qu'on trouve sont assez anciennes puisqu'on trouve des modifications, je crois, chez un phalène du bouleau dès la révolution industrielle à Londres et avec une adaptation là très très nette. Vous pouvez nous raconter cette histoire-là? Ça, c'est un cas classique de biologie évolutive, je pense même que c'est au programme au lycée. Donc la phalène du bouleau, c'est un papillon qui... se pose sur des bouleaux et il se trouve que bon les morphes, c'est-à-dire les formes classiques sont plutôt blanches, mais avec l'industrialisation et en particulier l'émanation de charbon dans les villes industrielles en Angleterre, les bouleaux devenaient sombres, voilà, plein de suie. Et donc les phalènes qui étaient blanches sur ces troncs sombres étaient plus facilement attrapés par des oiseaux, les prédateurs. Donc il se trouve que quand il y a eu une phalène avec une mutation qui la rendait plus sombre que les autres, elle s'en est beaucoup mieux portée et donc elle a eu plus de descendants. Donc par un effet très classique et très joli d'ailleurs de sélection naturelle, on s'est retrouvé avec une population de phalènes du bouleau noire en quelques générations. Donc ça fait vraiment très longtemps effectivement qu'on sait que les villes influent sur l'évolution des organismes qui y vivent. Et moi ce que je trouve hyper intéressant avec cette étude, c'est qu'elle sort du cas de l'anecdote et elle en fait une loi générale en montrant, regardez, dans toutes les villes du monde, il y a de la modification de l'évolution des espèces qui squattent ces villes-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi, ça nous fait réfléchir quelque part sur notre rapport avec la nature, parce qu'on est une espèce qui modifie complètement les processus naturels classiques, et on ne peut plus vraiment... Je trouve que justement, face à ces données, on ne peut plus faire comme s'il y avait une vraie séparation entre nature et culture. C'est-à-dire que là, vraiment, on est intriqués, nous, on modifie la nature, on change ses processus évolutifs, elle est parmi nous, et donc on est vraiment... bon, en tout cas, dans ce qu'on peut appeler l'anthropocène, vraiment, on est dans une époque où on est un acteur majoritaire de cette évolution. On fait disparaître des espèces, on en crée et on modifie l'évolution de toutes celles qui vivent autour de nous. Une question tout de même par rapport à cette scission, à ces micro-groupes d'espèces que vous décriviez comme plus sensibles justement à ces mécaniques évolutives rapides. On a tendance à dire aussi en logique évolutive que quand une espèce se retrouve en trop petit nombre, isolée des autres et qui n'a pas de possibilité d'homogénéité, génétique, eh bien, il commence à y avoir de la consanguinité et en général, consanguinité faisant, les espèces finissent par s'éteindre doucement parce qu'il n'y a plus d'apport de nouveaux matériels génétiques. Comment on explique cette espèce de phénomène contre-intuitif du coup ? Alors le fait est que la consanguinité, pour qu'elle commence à devenir un problème dans les populations animales ou végétales, surtout végétales, il faut vraiment y aller, il faut aller très très très très loin. Il se trouve que en fait, pas mal d'espèces arrivent à vivre avec des taux de consanguinité qui sont complètement affolants, genre les guépards qui sont tous plus ou moins cousins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a un effet très très fort des goulots d'étranglement comme ça, et du coup il se trouve qu'il suffit qu'il y ait un individu qui ait un variant génétique particulier pour que ce variant-là puisse avoir une importance mais démesurée, puisqu'il est dans un tout petit groupe dont il est un des seuls représentants. Donc oui, on se trouve dans des endroits où il y a des mosaïques de plein de petites populations avec des effets fondateurs très très forts dans chaque petite population. En tout cas, pour l'instant, on n'est qu'au début de cette discipline. Et ça va être très très intéressant, je pense, de suivre ça avec attention, parce que peut-être qu'on trouvera des très très beaux exemples d'évolution dans le futur. Est-ce que c'est vrai aussi à plus grande échelle sur les espèces qu'on appelle invasives ? On en a parlé il y a pas très longtemps dans l'émission, aujourd'hui, de l'invasion des corvidés à Paris, qu'on voyait très peu il y a encore 10-15 ans, et qui aujourd'hui se sont vraiment très très largement implantés dans la ville au détriment des moineaux qui disparaissent. Est-ce que on voit, par exemple, justement dans les changements alimentaires, dans les changements d'habitude évolutive de ces populations, un signe qu'on peut qualifier ou en tout cas rapprocher de ce que vous décrivez ? Alors, ça c'est, je pense, il y a un autre truc. Donc, ça a l'air, si on parle du comportement, on modifie nous aussi le comportement des espèces qui vivent avec nous. Quelque part, on les entraîne, on leur apprend à faire des choses qu'elles ne savaient pas faire. Par exemple, il y a ces très beaux cas d'oiseaux qui utilisent des mégots de cigarettes pour créer leur nid, parce qu'il se trouve que dans les mégots, il y a de la nicotine, et la nicotine, c'est un pesticide. Donc ça aide leur nid à être propre et sans parasites. Donc effectivement, c'est-à-dire que nos actions, notre environnement influe sur le comportement des êtres vivants. Il y a aussi cette cas incroyable de corvidés qui utilisent les voitures. Les feux rouges pour casser les noix. Ils savent regarder le moment où le feu est rouge pour aller poser la noix sur la route, attendre que les voitures écrasent et récupérer l'intérieur de la noix. Donc oui, c'est sûr qu'on a une influence démesurée sur le comportement du monde qui nous entoure. Et pour l'instant, on commence à peine à s'intéresser à ça. Et un dernier mot plus de naturaliste ou d'éthologue. Qu'est-ce que faire quand on est biologiste ou éthologue de ces nouvelles espèces ? Est-ce qu'il faut les préserver ? Comment est-ce qu'on les étudie ? Comment est-ce qu'on les intègre dans la taxonomie classique ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense, un vrai débat. Je pense que la première étape, c'est déjà accepter le fait qu'on est donc justement dans cet anthropocène. Donc accepter qu'ils font partie de nous et ils font partie de ce monde vivant. C'est-à-dire que c'est pas forcément des espèces nuisibles comme on le faisait avant. Mais je pense qu'effectivement, par exemple, considérer que ces espèces-là sont tout aussi naturelles, c'est pas parce qu'elles font partie d'un environnement qui est urbain, etc., qu'elles ne sont pas naturelles. Ce sont des chimères humaines, en quelque sorte, presque. Mais c'est pas grave. Et je pense qu'il faut leur donner un statut comparable à celui qu'on donne aux guépards ou aux lions. Enfin, en tout cas, il faut les accepter dans notre environnement. Les inclure dans l'arbre phylogénétique du vivant. Ouais. Caroline, un mot là-dessus ? Peut-être une envie de réponse aussi sur ce qui peut bien se passer pour l'être humain. C'est-à-dire qu'on imagine bien que nous sommes une espèce également. Donc est-ce qu'il y a des choses à observer sur le comportement ? On sait qu'il y a clairement des choses qui ont été montrées sur les niveaux de stress, sur les maladies aussi. Mais alors qui peuvent être liées soit à des toxiques ou des molécules extérieures, soit même à un comportement différent de l'être humain, à un niveau de stress différent en ville. Donc ça me semble extrêmement intéressant aussi. Et puis de voir que si les animaux sont exposés à ces substances mutagènes qui font qu'elles se diversifient, qu'elles évoluent, du coup, qu'en est-il pour nous à un autre niveau d'être humain, puisqu'on imagine que ça a le même effet sur notre ADN que sur celui des corbeaux ou des moustiques du métro. Donc est-ce que nous est en train de s'adapter à la présence des perturbateurs endocriniens, peut-être ? Sylvain, un mot ? Oui, peut-être qu'il faudrait vous enfermer dans le métro pendant un certain temps pour voir si on fait comme les moustiques, mais ça, je ne sais pas si dans un an, mais si dans un an ou deux d'expérience, vous me reconnaissez toujours par mon prénom, en tout cas. méthode scientifique, Nicolas Martin. The glamour's gone, the shades are down, and Paris is only a lonely town, lonely. When love's a laugh and you're the clown, then Paris is only a dreary town, dreary. For the loveless clown, this town's a weary merry-go-round and round and round. The chestnut, the willow, the colors of Utrillo turn to gray, gray hues. The band de station, vous n'écoutez pas FIP, mais c'est bien France Culture, la méthode scientifique. Paris is a lonely town de Kate Baldwin, puisque nous parlions d'évolution à l'intérieur des villes et de l'influence des grandes villes sur l'évolution animale. Bref, vous voyez le lien, j'ai pas besoin de vous le montrer. Autre sujet cette semaine, un sujet qui a longtemps été une sorte de bête noire pour la médecine prénatale, le soin du fœtus in utero et pire encore, le traitement des problèmes de développement cérébral et des malformations, qu'elles soient d'ailleurs d'origine génétique, virale ou exogène, et pour cause, Caroline Tourbe, c'est vrai que les femmes enceintes sont une sorte de cauchemar des essais cliniques. Oui, oui, c'est un peu la terra incognita, hein, parce que évidemment, on n'imagine pas tester facilement sur une femme enceinte une nouvelle molécule dont on n'aurait jamais testé les effets sur l'homme. Et c'est vrai que le papier de Science et Vie explique bien que, malgré toutes les difficultés, il y a quand même pas mal d'équipes qui cherchent à comprendre si des molécules, les médicaments, ne peuvent pas relancer, améliorer la structuration du cerveau du fœtus, donc agir in utero lorsque l'enfant est encore en construction, pour faire en sorte d'éviter que, comme vous le disiez, des maladies de développement cérébral liées soit à des toxiques, soit à une origine génétique, soit à une origine infectieuse. Récemment, on a entendu parler du Zika, par exemple, ce virus qui a fait des ravages au Brésil parce qu'il a provoqué des microcéphalies, donc un développement anormal du cerveau des fœtus. Donc face à ça, est-ce qu'il est possible de donner un médicament à une femme enceinte et de permettre au cerveau de son enfant de se développer de nouveau normalement? C'est toute la question et je peux vous dire que ça bosse beaucoup sur le sujet. Oui, ça bosse beaucoup. D'ailleurs, à propos du virus Zika, Tania Louis, qui était à votre place il y a 15 jours, nous expliquait qu'effectivement, ces problèmes liés à la microcéphalie, une étude récente vient de montrer que c'est lié à une mutation du virus, qui est une mutation a priori assez récente, qui a une dizaine ou une vingtaine d'années. Juste un mot tout de même, parce qu'effectivement, c'est effectivement intéressant en termes de recherche médicale, cette problématique liée aux essais cliniques sur les femmes enceintes. atteinte. Il y a des raisons évidemment éthiques que vous venez de souligner, mais il y a aussi un certain nombre de raisons physiologiques, parce qu'il y a évidemment beaucoup de barrières entre la mère et le fœtus pour protéger précisément le fœtus. Oui, on pourrait dire qu'il y a trois barrières. C'est-à-dire que si vous donnez un médicament à une femme enceinte, il va déjà falloir s'assurer que le médicament, ben, il n'est pas digéré de façon trop forte, ou en tout cas, il va bien passer la barrière et la molécule active qui vous intéresse, elle va bien se retrouver à circuler dans le sang. Ensuite, il faut qu'elle passe le placenta, cette molécule, puis il faut qu'elle arrive jusque au cerveau du fœtus, donc la barrière encéphalique qui protège le cerveau du fœtus. Donc toutes ces barrières successives, encore des difficultés, et puis à chaque fois, il peut y avoir une dispersion au mauvais endroit. Donc c'est des vraies difficultés physiologiques. Il faut s'assurer que ça va au bon endroit. Alors vous montrez justement dans cet article dans Science et Vie qu'on commence à avoir quelques pistes. Alors on va parler de pistes, hein. Il faut être très prudent parce que c'est des pistes qui arrivent à différents endroits, justement pour traiter certaines affections, des pathologies cérébrales chez le fœtus. On parle de trois types, hein, de pathologies, la trisomie 21, le virus Zika et des malformations qui sont liées en général à l'alcoolisme, à la constellation de l'alcoolisation fœtale. L'alcoolisation fœtale, oui. Il y a des recherches donc, qui sont menées sur des formes de trisomie 21, syndrome de Down, chez la souris. Là, on a donc des souris qui correspondent, en tout cas pour le modèle animal, à la trisomie 21, qui sont en développement, donc au stade fœtal. On donne à la souris gestante des molécules, une molécule qui permet, en fait, là, de relancer la neurogénèse. Parce que dans le cas du modèle animal de la trisomie 21, on sait qu'il y a précisément des localisations dans lesquelles le cerveau, la neurogénèse, la naissance de nouveaux neurones, de petits neurones, se passe pas bien. Donc on leur donne une molécule précise qui permet d'inhiber un processus qui empêche la fabrication de ces nouveaux neurones. Donc c'est une piste intéressante. On imagine donc la difficulté de passer directement à un essai clinique. On sait, et puis d'autant plus qu'on sait que le passage de la souris de laboratoire à l'homme, ça marche vraiment, vraiment, vraiment pas à tous les coups. C'est sûr, ouais, ça marche pas à tous les coups. Donc dans le cas d'une femme enceinte, on imagine bien que c'est pas simple. Néanmoins, il y a d'autres pistes, c'est ce que vous disiez, il y a pas mal de molécules. Il y en a une autre qui intéresse beaucoup les chercheurs, qui est la fluoxétine. La fluoxétine, on connaît pas forcément, mais c'est la molécule active du Prozac. De l'antidépresseur voilà. Commercialisé. Et du coup, là, on arrive à un moment où, justement, cette molécule, elle est déjà commercialisée, elle est prise par certaines femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui prennent du Prozac. Donc là, il y a des essais cliniques qui ont démarré aux États-Unis sur des femmes enceintes dont le fœtus a été diagnostiqué ayant une trisomie 21 et qui n'ont pas voulu avorter. Donc, on a commencé un essai clinique. C'est très restreint, très peu de femmes. L'idée, c'est aussi d'essayer de voir déjà si ça change quelque chose. Mais la complexité, enfin l'idée première, excusez-moi, c'est de voir si ça n'est pas toxique, puis ensuite de voir si c'est efficace. Ça va être extrêmement complexe parce que les trisomies 21, elles sont différentes. Il y a des enfants qui vont naître avec un lourd handicap, d'autres au contraire avec un handicap très léger. Donc comment on fait pour réussir à équilibrer les essais cliniques et à tirer des conclusions, c'est très compliqué. Et puis il y a une autre molécule, c'est en Ukraine, qui est testée sur des femmes alcooliques qui ont des enfants qui souffre d'alcoolisation fœtale. C'est une molécule qui est de la choline. La choline, on en mange, en fait. Il y en a dans les aliments et on sait qu'elle n'est pas nocive. Donc, on va essayer de voir aussi, là, si le cerveau des enfants qui vont naître, alors qu'ils souffrent d'alcoolisation fœtale, est moins endommagé que ceux des autres. Et puis, la choline, c'est un précurseur d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine, et dont on a tous besoin et qu'on produit tout au long de notre vie. Peut-être un mot, parce que vous avez parlé de la fluoxétine et de la choline. C'est assez intéressant d'essayer de comprendre, parce qu'on commence à voir et à discerner, alors c'est chez la souris, mais les mécanismes neurobiologiques qui sont à l'œuvre sur cette autre molécule que vous n'avez pas citée au début, qui s'appelle Algernon, et qui joue sur les enzymes. Alors c'est ça, alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont dans la trisomie 21, trop exprimés, ces gènes vont inhiber la naissance de nouveaux neurones, et la molécule que vous avez citée, Algernon, ou Algernon, si on le fait à la française, elle permet d'inhiber l'inhibition, donc par un effet de contre-contre, exactement, elle permet de relancer la fabrication de ces neurones mis en péril par la présence d'un troisième chromosome 21. La trisomie 21, c'est ça, c'est trois chromosomes 21. Et précisément, le gène qui est ciblé se situe sur le chromosome 21. C'est pour ça qu'il est trop exprimé. Et voilà. Et c'est même intéressant, visiblement, dans certains cas, pour la maladie d'Alzheimer, puisqu'il semblerait que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, qui a pas à voir avec la trisomie 21. Il y a néanmoins un gène sur le chromosome 21 qui semble avoir, enfin, être en lien avec la maladie. Donc, cette molécule-là qu'on étudie, vous voyez, on part de la souris avec des troubles de trisomie 21 et on en arrive à se demander si ça pourrait pas être utile sur des patients Alzheimer. Donc, C'est des pistes de recherche. Voilà. Ah oui, c'est très expérimental. C'est très expérimental, mais ça ouvre des pistes de recherche intéressantes. C'est incroyable. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle pas de traiter la trisomie 21 en tant que trisomie 21, c'est-à-dire avec le problème d'un troisième chromosome 21. On parle bien juste de relancer, d'empêcher ce problème d'altération de la neurogénèse au moment. Peut-être qu'on peut rappeler à quel moment commence la neurogénèse chez le fœtus et à quel moment tout ça se met en place et à quel moment il faut intervenir précisément pour relancer une neurogénèse qui commencerait à être en panne. Il faut intervenir principalement, si je me souviens bien, dans le deuxième trimestre. C'est là que les choses sont importantes. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il y a plusieurs fenêtres de tir. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de tir importante pendant la grossesse, puis pendant les premières années de la vie, où là, il va y avoir vraiment une sorte de foisonnement des neurones. Donc c'est important de pouvoir agir à ce moment-là. C'est aussi le moment où c'est le plus fragile et il ne faut pas y aller avec un bulldozer. Il faut y aller doucement en se méfiant de ce qu'on fait. Donc si on agit trop tard, eh ben, ça sera installé, mais pas forcément totalement, puisqu'il y a des essais là, qui sont menés sur des adultes, en tout cas de jeunes adultes, dont on se demande si ça pourrait pas quand même relancer dans une certaine mesure une neurogénèse, certes qui est poussive parce que ce sont des adultes, mais si ça pourrait pas les aider quand même. Par rapport à la colline, il y a d'autres, là aussi on rebondit et ça ouvre d'autres pistes intéressantes, c'est-à-dire que on sait que les femmes enceintes ont un besoin de colline accru par rapport à un être humain lambda, que ce besoin de colline il n'est pas nécessairement compensé par la nutrition. Or on est en train de se rendre compte que la colline, ça pourrait peut-être même faire du bien à tout le monde pour le coup. Oui, alors ça c'est l'hypothèse qui est proposée par les chercheurs qui travaillent sur la colline aux États-Unis. Bon, après ils sont très clairs, hein, ils disent qu'ils n'en sont pas au stade où ils feront une recommandation avec supplémentation de colline pour toutes les femmes enceintes. Ils soulèvent juste l'idée que peut-être ce serait aussi une voie de recherche intéressante pour permettre à tous d'avoir des cerveaux bien développés. Commencez à avoir l'habitude. C'est l'heure du défi de Sylvain Guilbeault. Sylvain Indiana Jones Guilbeault qui, tous les 15 jours, se fixe un défi toujours plus périlleux. Après avoir tenté de vous expliquer les noyaux d'atomes super lourds en 10 minutes, après avoir tenté de vous expliquer en moins de 10 minutes l'inflation de l'univers aujourd'hui, Sylvain s'est fixé comme défi de nous expliquer à tous de façon exhaustive et toujours en une dizaine de minutes l'influence de l'intelligence artificielle dans la science. Sylvain, j'ai envie de vous dire, c'est parti, vous avez 10 minutes. Je vais vous aider un peu. Mais... Oui, j'espère. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on est tout oui, allez-y. J'aurais bien voulu me faire remplacer par un algorithme, mais c'est pas possible. Pas encore, mais attendez, faites gaffe, ça va pas tarder. Justement, au magazine La Recherche, on a décidé de s'emparer de ce sujet, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, il faut dire, dans les médias, et parfois avec emphase, parfois avec surplus d'angoisse anxiogène. Et on a voulu, du coup, voir vraiment... ce qu'il en était, et notamment, puisque c'est ça qui nous intéresse au magazine La Recherche, en quoi l'intelligence artificielle aide les scientifiques dans leur travail, quelles perspectives elle ouvre, quels résultats elle donne, mais aussi quelles sont ses limites. Puisque pour divulgâcher, comme disent les Québécois, un peu la fin du dossier... Pour spoiler, comme dit tout le reste du monde. les scientifiques, bien que les machines aient de plus en plus de capacités, les scientifiques ont toujours leur place et leur rôle à jouer dans leur recherche. Mais c'est vrai que les recherches aujourd'hui... ont de plus en plus de données à traiter, en tout cas certains domaines de la recherche. Et donc les algorithmes, et en particulier ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou l'apprentissage statistique, ça veut dire la même chose, sont utiles pour classer, pour trier, pour structurer toutes ces données et aider les scientifiques à leur donner du sens. Parce que on avait parlé effectivement un peu autour de cette table de l'irruption du big data. On a souvent parlé en médecine notamment. Je regarde Caroline, mais c'est vrai, c'est vrai en médecine, c'est vrai en génétique. Je regarde Léo, c'est vrai en astrophysique, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Là, dans le dossier de la recherche, qui est un dossier vaste et assez ambitieux, on parle autant de deep learning que de big data, que d'apprentissage supervisé, que d'apprentissage non supervisé. supervisé. Oui. Et tout ça a beaucoup de. C'est pour ça que vous faites dépêchez-vous, il vous reste 6 minutes 30. C'est très. Non, un peu plus. C'est 8 minutes. C'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, en fait, ça regroupe énormément de choses. Mmh. C'est pour ça qu'il faut serrer les problèmes. Mmh. On parle plus principalement dans ce dossier d'apprentissage statistique, comme je disais, c'est-à-dire on fournit aux ordinateurs un très grand nombre de données. Et à partir de ces données, l'ordinateur va essayer, enfin l'algorithme, donc ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, va essayer de, à partir de ces données, de trouver quelques caractéristiques générales, faire des hypothèses, trouver des corrélations entre ces données pour aider les scientifiques. Mais donc apprentissage automatique, on parle aussi de deep learning, qui est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique, qui est très à la mode en ce moment. Et on parle aussi de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, en fait, en deux mots, donc. C'est, puisque c'est vraiment le cœur scientifique. Donc ce sont des fonctions mathématiques qui imitent un peu le fonctionnement des neurones humains. Les neurones humains sont des cellules qui sont reliées, des milliards de cellules entre elles dans notre cerveau, et qui donc reçoivent des signaux d'autres neurones, et qui, à partir de ce signal, renvoient vers un neurone un signal donné avec un certain poids, une certaine pondération. Et donc c'est en assemblant ce genre de neurones, on crée des fonctions mathématiques qui peuvent traiter de données et donner en sorte un résultat qui correspond justement à ces données traitées. Donc c'est très efficace pour le traitement d'images notamment. On parle d'exemples particuliers et précis dans le dossier. En physique, par exemple, en astrophysique, ça aide à traiter les images, par exemple, de lentilles gravitationnelles qui a un effet où la lumière est déformée par les galaxies qu'elle rencontre au cours de sa propagation depuis les astres lointains jusqu'à la Terre. La lumière est déformée par l'espace-temps qui est courbé par les masses, et ça crée des effets de déformation dans les images des télescopes qu'on appelle lentilles gravitationnelles. Donc ça, on peut les repérer à l'œil, mais c'est très fastidieux. Et en entraînant les algorithmes avec un grand nombre de ces images dont on sait que ce sont ces effets, ensuite les algorithmes peuvent prédire sur des images dont on ne sait pas s'il y a de l'antigravitation ou non, et donc dire, apprendre des propriétés sur les astres qu'ont rencontré cette lumière pour nous arriver. Les situer, leur distance, donc du coup, leur âge, etc. Pour rester sur ces réseaux neuronaux, on a pensé pendant un temps que ces neurones artificiels allaient nous permettre de simuler des cerveaux, de tenter de mieux comprendre le cerveau. Et en revanche, de ce côté-là, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Non, puisque c'est vrai qu'on parle de réseaux de neurones, donc ça donne l'idée d'une analogie avec le cerveau. Mais comme je vous le disais, l'analogie s'arrête un peu juste à l'image d'une fonction mathématique qui fonctionne comme un neurone avec des entrées et une sortie pondérées par un certain poids. Mais les scientifiques sont très prudents, il n'y a pas d'analogie directe entre ce qu'on arrive à faire mathématiquement avec ces programmes informatiques et le cerveau. Pour l'instant, le fonctionnement du cerveau est beaucoup plus complexe que les algorithmes de big data qu'on arrive à faire, et il n'est pas question de faire une analogie entre les deux. Voilà. En revanche, on sait maintenant, pareil, on en a beaucoup parlé ici, que l'intelligence artificielle prise au sens très large du terme, ça permet aujourd'hui l'analyse, le traitement de données en épidémiologie notamment, mais aussi aujourd'hui on a fait des progrès immenses dans l'assistance au diagnostic. Oui, et notamment grâce à la reconnaissance d'images. Vous savez, Google, Facebook utilisent ces algorithmes à fond, mais aujourd'hui, ces mêmes processus de reconnaissance d'images aident, par exemple, à la reconnaissance de tumeurs ou à la reconnaissance d'images de mammographie, par exemple. D'ailleurs, cet été, il y a une start-up française, je crois, qui s'appelle TerraPixel, qui a remporté un concours international où il y avait, je crois, 1200 équipes, où le but, c'était de faire des algorithmes d'apprentissage automatique pour essayer d'interpréter au mieux ces images de mammographie. Et donc, cette société a proposé un algorithme qui, effectivement, était capable d'interpréter ces mammographies quasiment aussi bien que le ferait un radiologue. Donc ça, il y a aussi eu un papier récemment sur l'interprétation éventuellement de mélanome, de cancer de la peau à partir d'une photo. Et avec une précision, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment de l'assistance au diagnostic, c'est avec des précisions beaucoup plus grandes que ce que pourrait faire, ou en tout cas, même une équipe de médecins, Caroline, en tout cas pour l'aide au diagnostic. Mais par contre, quand on parle à certains spécialistes très pointus sur la maladie, c'est vrai qu'ils ont tendance, l'intelligence artificielle, ça les fait un peu rire, ils ont un peu tendance à dire que c'est de la bêtise automatique, c'est-à-dire que c'est quand même une façon d'automatiser, on apprend à une machine à répéter des chose, dans ce cadre très précis, le mot intelligence artificielle peut être un peu galvaudé. Effectivement, parce que là, dans ce contexte, la machine est capable de prédire, mais n'explique pas. Et d'ailleurs, pour parler justement de l'influence encore qu'ont les scientifiques, ce sont les scientifiques qui créent ces algorithmes. Et justement, un algorithme de machine learning, d'apprentissage automatique, ce n'est pas une boîte noire universelle qui est capable de résoudre tous les problèmes. Il y a plein de sous-catégories possibles dans ces algorithmes. Et justement, ce que fait un scientifique, c'est que lui, il va définir comment va fonctionner cet algorithme en fonction du problème qu'il veut traiter. Par exemple, quand on parle de deep learning, ces algorithmes, je parlais de neurones artificiels, il y a dans le deep learning, il y a plusieurs couches de neurones qui arrivent les unes à la suite des autres pour traiter les données avec des échelles de plus en plus fines, avec des échelles différentes. Et ça, justement, c'est le scientifique qui va définir le nombre de neurones artificiels, le nombre de couches, qui va définir aussi les fonctions qu'il veut optimiser une fois qu'il donne telle donnée au neurone artificiel pour obtenir la sortie qu'il souhaite. Donc finalement, en faisant tout ce travail de conception de l'algorithme, c'est comme si le chercheur effectuait une sorte de métamodèle théorique du problème. Finalement, donc c'est toujours le chercheur qui est à la base, qui construit le modèle qui va correspondre au problème qu'il veut traiter. Il y a une partie du dossier que je trouve assez passionnante, c'est ce que vous appelez l'aube des robots chimistes, et en quelle mesure, là pour le coup, en chimie moléculaire, il y a une assistance vraiment indiscutable, et du coup une forme d'abattage de travail qui serait titanesque si on y mettait tous les chimistes et tous les chercheurs en chimie moléculaire du monde, et qui permet aujourd'hui de prévoir des modèles de molécules de manière beaucoup plus précise et d'assister vraiment le travail des chimistes. Oui, ça c'est un espoir pour le futur. Notamment, il y a Alan Asparuh-Guzik, qui est un chercheur à Harvard, qui écrit pour nous dans ce dossier. Et justement, lui, c'est un grand espoir pour lui. Alors peut-être à moyen ou long terme, en tout cas, d'avoir cette espèce qu'il appelle d'ordinateur moléculaire qui serait capable, en fonction, on lui donnerait telle application. Je veux une molécule qui émette tel type de lumière, par exemple, et l'algorithme irait analyser dans une base de données où a été entraîné avec les propriétés physiques d'un grand nombre de molécules, et donc serait capable de prédire quel assemblage de molécules serait le plus adapté pour telle application. Alan Asparuh-Guzik et son équipe en particulier, ils commencent à faire ce genre de travail. Ils ont entraîné un algorithme à reconnaître les propriétés physiques d'une soixantaine de molécules. Et ensuite, ils ont proposé à cet algorithme un problème bien particulier qui était leur idée à eux, c'était de perfectionner ce qu'on appelle les diodes électroluminescentes organiques, c'est-à-dire des diodes donc qui sont capables d'émettre de la lumière quand on fait parcourir de l'électricité dans un matériau. Voilà, quel est le matériau le mieux adapté qui émettrait le plus de lumière pour un cas donné. Donc, ils ont proposé ce problème à cet algorithme, et à partir, il avait été entraîné avec cette soixantaine de molécules, et l'algorithme lui-même, à partir d'une donnée de 400 000 molécules que les chercheurs lui ont proposées, a été capable d'en sélectionner 900, qui selon lui auraient été pertinentes pour ce problème. Et bon, là, ça montre encore les limites de ces algorithmes, parce que ensuite, l'étape qu'ils ont fait, c'est que, après que ces 900 molécules, alors c'est quand même un grand travail de sélection depuis 400 000 jusqu'à 900, mais ensuite, pour passer de 900 à quelques-unes, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont épluché ces 900 molécules pour arriver à la bonne. Vous devriez voir Caroline Tourte qui fait, voilà. Léo, vous vouliez dire un mot sur... Oui, j'avais une question. En fait, c'est, est-ce qu'on peut pas entraîner ces algorithmes à créer des algorithmes les plus performants possibles, finalement pour... Des algorithmes d'algorithmes. Oui, alors c'est pas encore au programme, puisque de toute façon, les algorithmes d'algorithmes, ça veut dire que même l'algorithme qui entraîne l'algorithme serait lui-même programmé par un humain. Donc je pense qu'il y aurait quand même un humain de toute façon dans la chaîne, mais pourquoi pas. Après, déjà, dans les algorithmes, il faut savoir que les réseaux de neurones fonctionnent aussi. L'algorithme qui entraîne les réseaux de neurones est lui-même déjà un algorithme. Donc il y a déjà une sorte de récursivité déjà dans le système. Pourquoi pas rajouter encore une couche. Mais si vous voulez en rajouter quelques couches, vous allez jeter un œil au dossier de la recherche. On arrive bientôt au terme de cette émission. Vous connaissez la tradition. Ici, y a-t-il une information, une actualité dont on n'aurait pas parlé et qui vous semble intéressante, qui est passée, qui est à venir, Caroline? Vous en avez sûrement parlé, mais l'histoire de cet enfant dont on a greffé 80% de la peau, c'est quand même une information extrêmement intéressante. En termes de greffe de peau, il faut savoir qu'on est vraiment très très loin. Pour les grands brûlés, notamment, c'est un problème terrible, parce que quand la zone de la peau est trop étendue, on sait qu'on peut rien faire. Donc là, c'est un cas très particulier, c'est le cas d'un enfant avec une maladie rare dont on a modifié génétiquement les cellules de la peau avant de lui réimplanter. Néanmoins, c'est vraiment des perspectives thérapie génique, culture cellulaire et greffe de peau qui sont passionnante. Alors, on n'avait pas parlé de ce sujet en particulier, mais on a fait une émission précisément sur les progrès en greffe, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission Sylvain. Une info. Disons que dans une dizaine de jours, on attend les résultats du satellite Microscope, qui donc a été lancé il y a un peu plus d'un an, et qui vise à faire des tests du principe d'équivalence en relativité générale, c'est-à-dire est-ce que les objets tombent effectivement tous à la même vitesse dans le vide. Voilà, et donc l'intérêt de faire cette expérience dans l'espace, c'est que ça permet de s'affranchir bien sûr de plein de problèmes et de gagner un facteur 10 sur les mesures. Donc les résultats d'ici une dizaine de jours, bien sûr, si il y a une violation du principe d'équivalence, c'est un grand bouleversement de la relativité générale. Oui, encore une fois, vous n'avez pas le visage de Caroline Tourne, mais ça, ça a l'air de l'agiter beaucoup plus que l'aide au diagnostic. Léo, vous avez une activité particulière, je le disais au début, c'est cette bande dessinée que vous avez co-signée avec votre frère, La Grande Aventure du Sexe. Vous avez choisi un sujet peu concernant, La Grande Aventure du Sexe, en général, ça ne parle pas à grand monde. Ouais, c'est assez confidentiel. Donc l'idée, c'était de faire une bande dessinée qui parlerait au plus grand nombre et pour parler de biologie évolutive, vraiment. Là, on n'est pas du tout, on parle pas des humains, en fait, parce que c'est pas très intéressant, en fait, au niveau... La sexualité humaine n'est pas très intéressante. Non, pas vraiment. Par rapport à des champignons qui ont 28 000 sexes, franchement, nous, on n'est pas très originaux, quoi. L'idée, c'était de montrer que sexe, dans le monde vivant, ça veut dire plein de trucs et ça veut dire des choses extrêmement exotiques par rapport à ce que nous, on estime normal. Notamment, je voulais déconstruire le fait que pour faire du sexe, il faut un mâle et une femelle, ou pour faire du sexe, il faut forcément des organes sexuels. Non, pas forcément. L'idée, c'est vraiment retourner aux bases des bases et expliquer en quoi le monde vivant est incroyable et rempli d'extraterrestres, au final, qui fonctionnent pas pareil que nous. Mais alors, par exemple, puisqu'on n'a pas l'image, bon, on va mettre évidemment les liens là aussi sur le fil Twitter et sur la page de l'émission. Vous partez de quel point? Comment vous avez raconté ce récit? C'est une série d'anecdotes? Il y a un récit, hein, c'est une vraie histoire que vous construisez du début à la fin. Dites-nous peu comment ça a marché. Il n'y a pas vraiment de fiction. C'est un personnage qui se pose une question. Pourquoi est-ce qu'on fait du sexe, tout simplement? Et avant d'essayer de répondre à cette question qui paraît absurde, mais qui est au final une vraie question scientifique, pourquoi est-ce qu'il y a le sexe, avant de répondre à ça, il répond à tout un tas d'autres questions, genre pourquoi est-ce que les organes sexuels évoluent si vite par rapport aux autres? Comment ça se passe, le changement de sexe chez les poissons ou chez tout un tas d'autres espèces? Pourquoi l'hermaphrodisme? Pourquoi est-ce qu'il y a des mâles et des femelles, tout simplement, etc., etc. Encore une fois, l'idée, c'est il y a des anecdotes qui sont très visuel, comme par exemple la reproduction du figuier qui dit comme ça avait pas l'air, enfin, c'est le premier truc visuel que je m'imagine quand on me... C'est un des cas les plus étranges de reproduction que je connaisse, parce qu'en fait les figuiers, ils fonctionnent avec une autre espèce, une symbiose totale en fait avec une agaonide, donc une petite guêpe, et il se trouve que les agaonides mâles et femelles sont très différentes, et les mâles passent toute leur vie à l'intérieur de la figue. Ils naissent dans une sorte de fleur spécialisée pour mâles. C'est très mignon, les bébés dans des fleurs. Et ils meurent à l'intérieur de la figue. Et donc, en fait, on est dans le cadre d'une espèce qui se reproduit, donc, comme beaucoup de plantes à fleurs, grâce à une autre espèce. Ce qui, si on le transposait à nous, ça serait un peu étrange. On donnerait un bidon de sperme à un chien pour qu'il l'amène à notre partenaire. C'est un peu l'équivalent. Je vous remercie pour cette image qui va me hanter toute la soirée. Bonne nuit. Mais en plus de ça, c'est tellement spécialisé que l'individu passe sa vie entière juste pour cette reproduction. Donc, on est dans des niveaux d'étrangeté assez extrêmes. Et c'est accessible à partir de quel âge? Ouais, je dirais 14 ans. 14 ans? Ouais. Avant 14 ans, c'est un peu jeune. On parle un peu de nécrophilie et de gangbang et trucs comme ça. Ouais, alors on va dire à partir de 16. Merci beaucoup en tout cas. Merci Léo Grasset, Dirty Biology, La Grande Aventure du Sexe. C'est aux éditions Octopus, dans toute bonne librairie. Merci Caroline Tourde, Science et Vie. Cette année, pas du tout, n'importe quoi. Le numéro du mois qui est consacré aux capacités physiques et intellectuelles et qui traite notamment beaucoup de stimulation transcrânienne et de stimulation magnétique du cerveau. Merci Sylvain Guilbeault. La recherche, vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle transforme les sciences. Et Léo Grasset, peut-être aussi une prochaine vidéo tout nu avec des licornes ou pas? Exact, c'est vrai. C'est une vidéo qui va parler de paradoxes des drogues agréables. Les paradoxes, les molécules des drogues qui ne devraient pas être agréables mais qui le sont. Voilà, les drogues et le sexe, vous aurez donc compris les points d'intérêt de Léo Grasset qui reviendra la prochaine fois, peut-être avec une camisole ou en tout cas un petit traitement chimique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Naguette Saint-Vulfranc, c'est Pauline Lezen, Hugo Barthélémé, Elisabeth Miro à la réalisation, Nadège Antonini à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est le Club du Grain à Moudre d'Hervé Gardette qui demandera à ses amis du vendredi si l'agriculture peut se passer de pesticides. Le magazine de la rédaction dans un instant, Reconstruire à Saint-Martin après le passage d'Irma. Et puis pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons du diabète. Mardi, les derniers mystères de notre soleil qui échappent encore à l'astrophysique. Mercredi, émission agronomie, cultiver sans polluer. Jeudi, nous nous demanderons à quoi sert encore l'Agence nationale de la recherche. On va se faire des copains. Et vendredi, nous ouvrirons les portes du multivers et des théories des univers parallèles. Enfin, ce sera lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.